Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous. Si on devait faire le résumé global de ce qui s'était passé, vous vous trouvez donc à Toulon, en 2596. Vous êtes envoyé ici par le protectorat, en infiltration, dans le but d'améliorer le regard de la population locale à votre égard, et indirectement aux égards du protectorat, de vos cultes en tout cas. Vous êtes donc dans une mission un petit peu, disons, de diplomatique, qui se joue en secret, puisque vous avez officiellement été banni, et qu'en réalité, votre opération, qui s'appelle l'opération Firewall, va se faire rattraper par une seconde opération, l'opération Mirage, commandée par le paradigme Mirage, dont l'objectif final et de renverser le pouvoir en place, maintenu par les néo-libyens, et notamment Hamza Aboubakar III, qui est un ancien, enfin qui est un colon qui est néo-libyen, qui a débarqué en ville, qui a racheté la ville, et qui ensuite on va dire, se l'est un petit peu approprié. Il a installé ses cultes à lui. Des membres de sa famille à des postes intéressants, en délaissant une partie de la communauté locale. Notamment au niveau des ferrailleurs, qui sont les premiers à se plaindre du monopole que possèdent les pays d'Africa sur Toulon. Notamment parce que ces derniers possèdent l'huile de Mardouk, qu'ils refusent de partager, elle est confectionnée par leurs Anubiens, et elle est utilisée pour se déplacer dans les marais sans risquer les attaques d'Homo de Genesis, puisqu'un pacte a été scellé littéralement entre ces deux parties. Il y a des frontières qui ont été établies. Malgré tout, les marais sont envahis par des faux bourdons, donc des êtres humains réduits à l'état d'esclaves, ce qui rend la tâche des ferrailleurs très compliquée. Et du coup, forcément, le monopole qu'ils ont sur l'île de Mardouk pour les ferrailleurs d'Africa déséquilibre totalement le rapport de force avec les ferrailleurs qui, eux, habitent au ferrail. Vous êtes donc envoyé dans cette ville. Évidemment, l'instabilité locale, c'est pas pour ça qu'on vous a envoyé. On l'utilise plus comme un poids, un levier pour pouvoir prendre le contrôle. Mais bon, le protectorat, vous doutez bien qu'en soi, le fait qu'il y ait des ferrailleurs à l'autre bout du monde qui aient du mal à payer leur bouffe, ils s'en foutent un peu, quoi. Il y a d'autres intérêts qu'ils vont avoir à récupérer cette ville, notamment le fait que c'est un des nombreux ports de la Méditerranée et que de nombreuses routes commerciales vont relier ces derniers. Durant votre mission, sachant que vous aviez chacun également, chacun et chacune des missions personnelles, vous avez été amené à collaborer avec de nombreux personnages, Notamment Lilith, donc, qui est la fille de Abby, et qui vous a retrouvé grâce à des visions qu'elle a eues en consommant de la brûlure locale, qu'elle obtenait en échange de certains services qu'elle faisait pour le maître de l'orphelinat. Notamment, elle dénonçait d'autres élèves. Enfin, d'autres orphelins, pardon. Cet orphelinat, vous l'avez donc transformé en une espèce d'école où vous enseignez, notamment Toric, mais suivi par certains membres de Cour à Argent, puis également certains membres de l'hôpital de Montpellier, dans l'objectif de former une nouvelle génération de médecins, puisque les hospitaliers à Toulon ne sont que l'ombre de ce qu'était leur culte. Pour plusieurs raisons, la première c'est que ils n'ont pas les moyens, on ne leur donne pas les moyens de faire quelque chose de bien, et la seconde c'est qu'en plus, vu qu'il y a la présence des Anubiens, les gens ont tendance à plutôt se tourner vers eux. Du coup, ce qui fait que vous n'avez pas non plus suffisamment de monde qui pourrait être intéressé pour qu'on vous distribue les 10 moyens. À côté de ça, nous avons la sacristie rouge que vous avez investie, que vous avez développée. Vous avez également recruté de nouveaux anabaptistes. Et désormais, la sacristie va recevoir beaucoup plus de monde, puisque vous vous êtes fait offert par Isabella tout un contingent d'hospitaliers. Et ça, on y reviendra plus tard, parce qu'il y a une petite ellipse de 2 semaines qui s'est écoulée depuis la dernière partie. Donc, pas grand-chose, très honnêtement, à l'échelle de vos personnages, ça fait beaucoup plus de temps que vous êtes là. Mais d'un autre côté, ça fait bientôt un an, presque, quasiment, quelques mois après. Mais d'un autre côté, c'est suffisant pour avoir eu quelques plans, et donc on fera une espèce de petite séance flashback les uns après les autres, où je vous demanderai ce que vous avez fait simplement durant ces 2 dernières semaines. En parallèle de ça, vous avez également investi et développé votre influence au niveau de Sacré Amiel, qui est l'église en ruine de Saint-Chenil. C'est notamment Efflux qui s'en est occupé, donc, et qui l'a amené plus tard à faire alliance avec notamment le roi des gueux. Ce qui fait que vous avez dans votre poche les enfants de l'orphelinat, les mendiants, les malades, ainsi que les populations désolées et désespérées, notamment de Saint-Chenil, du fait des actions de Jacquard. Ça, on en reparlera aussi. Globalement, comprenez que votre influence de votre côté commence en plein Saint-Chenil et se développe jusqu'à Port-la-Gagne. Vous êtes donc, comme je l'avais dit, vous êtes donc plus tard rendu au niveau d'un tout un petit périple. Vous avez fait Bayonne, Montpellier, pour enfin finir au niveau de Perpignan et vous rendre au niveau des 2 forteresses anabaptistes, Péripertus et Kéribus. Vous étiez ici en quête d'hommes et de soldats, d'hommes et de femmes, prêts à se battre pour vous, pour la cause, et pour renforcer également vos positions. Vous avez pu les obtenir en échange de quelques menus services qui se sont soldés également par la rupture de Lito, l'ancien fureur de Mokoche, au sein du groupe. Alors évidemment pas une rupture définitive, vous êtes toujours en contact, mais ce dernier a décidé de rester là-bas avec du coup Isabella. Une femme particulière qui avait ses qualités et ses défauts, mais qui en tout cas est devenue une bonne alliée du groupe. En plus de ça, vous vous êtes vu offert un bateau que vous avez pu ramener jusqu'à Saint-Chenil. Et vous avez pu découvrir en arrivant en ville à Toulon que votre ami Dobby, puisque votre influence s'est également développée auprès des frères de l'acier dans les ferrailles, et Dobby est l'un de leurs chefs artisans, a terminé de développer une tyrolienne qui passe directement des ferrailles jusqu'à Port-la-Gagne et permet non sans mal de déplacer très rapidement de nombreuses ressources. Des ressources qu'on ne prendrait pas le temps d'acheminer manuellement jusqu'à Saint-Chenil, ou jusqu'à Port-la-Gagne, puisqu'il faudrait payer des hommes pour les transporter, que de toute façon, personne n'en a rien à foutre d'aller rénover ce qui se trouve là-bas. Dans notre périple à Bayonne et toutes ces villes, on est allé voir un sage qui s'appelait, enfin un ermite plutôt, qui s'appelait Eisenhower. Je ne me souviens plus pour quelle raison. Et on avait conclu un marché avec lui. Parce qu'il peut nous aider sur la machine à fabrication des faux lettres de change. Du coup, par contre, ouais, je repose la question que tu as posée dans le chat. Du coup, sur le retour, on a livré Eisenhower, comme c'était prévu, avec l'explosif qu'il avait nous demandé. Oui, très bien. Oui, c'était ça qu'il nous avait demandé. Oui, il me semble qu'on l'avait prévu automatiquement, mais dans tous les cas... Ouais, justement, c'était pour voir où c'en était, histoire de... Ouais. En effet, vous avez pu livrer Eisenhower en explosif. Et c'est vrai qu'en effet, ça c'est un élément dont je n'ai pas parlé, donc faites bien d'en reparler. Vous aviez eu cette quête qui vous avait été donnée initialement par Hamza Boubacar III, notamment toi, Flux, puisque tu étais chronique, enfin puisque tu es chroniqueur, qui est donc de déceler et de rapporter l'état d'un commerce illicite de fausses lettres de change, donc qui joue notamment sur la valeur de ces dernières. Vous aviez fini par trouver les personnes qui étaient impliquées là-dedans, il s'agissait donc de plusieurs ferrailleurs, mais pour l'instant, vous aviez décidé de ne rien faire, vous tâtiez à trouver peut-être un bouc émissaire, puisque ça vous intéressait de pouvoir rester en bon terme avec les ferrailleurs, éventuellement de les couvrir ou même de profiter de leur petit marché, mais vous en débattiez encore la dernière fois qu'on s'était laissé, donc peut-être que... Ouais, je me souviens que c'était une histoire, on avait trouvé quelqu'un qui faisait un bon bouc émissaire, c'était genre un espèce de tyran... Je suis avec des souvenirs flous, je suis désolé. Mais une espèce de tyran qui faisait chier un peu les ferrailleurs, je crois, un truc comme ça. Et qui, du coup, on s'était dit que c'était une bonne truc et qu'on aimerait faire accuser. Sauf que de souvenir, c'est le moment où Tori est parti voir en mode hyper vitesse Hamza. Et du coup, je sais plus où on s'est laissé. Genre, ça, par exemple, c'était toujours pas réglé. Genre, quand il est venu le voir, c'était pour autre chose. C'était vis-à-vis de son bras droit et tout, c'est ça? C'est ça, exactement. Vous aviez eu ce petit dilemme, notamment lié au fait que. Alors, je ne sais plus si c'est à ça que tu faisais référence. Il y avait donc le. L'Anubien Bayou, oui. Qui était donc un espèce d'enquêteur occulte aux ordres, qui répondait aux ordres donc de Cour Argent, mais du coup notamment donc de Hamza Boubacar III, qui vous avait un petit peu pris en otage, et notamment Jacquard. Et Torik avait donc profité du rendez-vous avec Hamza pour lui révéler la supercherie. Ouais, ok. Ce qui fait que notamment coup, joué du fait que voilà, Bayou possédait le corps de Mokosh et promettait de la ramener puisque cette dernière s'était faite massacrer un peu la tronche. Ouais. Mais, parce qu'il voulait le trahir tout ça. Mais du coup, ça fait que toute l'histoire là encore de fautes lettres de change est toujours en attente pour Hamza quoi. On n'a pas encore amené ça. Alors pour l'instant, vu que j'ai fait une petite ellipse de 2 semaines, je considère qu'on peut partir du principe que vous avez temporisé, mais justement, on va arriver dans cette partie. Vous allez me dire ce que vous avez fait durant ces 2 dernières semaines. Soit par rapport, on va dire, à l'arc principal, soit par rapport à vos propres arcs personnels, pour ceux qui ont encore quelques éléments à faire. Par exemple, Mokosh doit rénover, enfin, on va dire, renflouer l'esprit des anabaptistes et chasser Adonai de la ville. La moitié est déjà faite, la deuxième est en bon cours. Bon, Mokosh, tu pourras me dire exactement en détail comment est-ce que tu t'en seras occupé. Donc en effet, lorsque vous avez retrouvé Mokosh il y a 2 semaines, elle a commencé par s'évanouir, affaiblie totalement. Enfin, ça veut s'évanouir quasiment complètement. Son visage, pour rappel, était orné d'un masque d'Anubis. Et par la suite, dites-moi ce que vous en avez fait. Et dites-moi également ce que vous avez décidé de faire durant ces 2 semaines. Comme ça, on se remet un petit peu dedans. Avant de rejouer la première scène roleplay, on recontextualise un petit peu ce que chacun a fait d'ici là. Bien évidemment, on l'a chargé sur nos chevaux de façon à ce qu'elle puisse... de ce qu'on puisse la ramener, voilà. On l'a installé sans doute, j'imagine. comment dire, à la sacristie rouge. Oui, voilà, de toute façon, elle a besoin de, elle a besoin de repos. Alors, enfin, moi, après, je vais m'en occuper aussi. Hein. Choisis, soit le médecin. Non, non, mais moi, je vais quand même avoir une attention assez, assez particulière pour Mokosh. Ça reste quand même, bah, c'est Mokosh, quoi. Voilà, donc, oui, alors, non, qu'est-ce que vous avez fait pendant ces deux semaines? Moi. De mon côté, c'était, je voulais voir un truc, c'était vis-à-vis de l'atelier que j'avais demandé à Dobby. Depuis tant, on est parti pas mal de temps, etc. Et du coup, je voulais voir un peu dans quel état il était quand je suis revenu, déjà. Est-ce qu'il a avancé? Est-ce qu'il est fini? Qu'est-ce qu'il en est de cet atelier dans Saint-Chenil? J'ai oublié l'endroit exactement, mais on se comprend. Il était juxtaposé à Sacré Amiel. Ouais, c'est ça, ouais. C'est Sacré Amiel que j'avais perdu le nom. Mais du coup, voilà. Déjà, moi, ma première question, elle est juste là, déjà, pour commencer. Où est-ce qu'on en est vis-à-vis de cet atelier? Ok, très bien. Mokosh, je vous ferai les réponses après. Mokosh, je pense qu'elle a passé la plupart de son temps dans l'isolation de ses quartiers, déjà, pour commencer. Mais je pense aussi qu'elle a dû donner deux ou trois indications tout de même à tous ces gens. Parce que, bon, elle, de son point de vue, elle est revenue, il y avait 400 personnes en plus de chez elle. Donc je pense qu'elle a dû juste dire sûrement d'aller les installer à l'orphelinat ou un truc comme ça, parce que je pense qu'il n'y a pas la place à la sacristie rouge pour 400 personnes. Et sûrement de les mettre au travail avec ce qui serait utile à mes compagnons et les gens qui sont déjà à la sacristie rouge. Parce que bon, disons qu'elle n'a pas été spécialement en état de faire des directions très précises et de penser à un plan ou quoi que ce soit. Voilà. Ok. Du coup, bah, Jacquard, quant à lui, il va consacrer tout son temps à Saint-Chenil. En fait, il va revenir. Il ne va pas revenir à la sacristie rouge. Et donc, il va consacrer son temps à l'entraînement. De sa petite milice, tout en essayant donc de poursuivre ces deux enquêtes, on va dire la première sur du coup cette dernière personne, cette dernière juge qui resterait sur sa liste, qu'il avait aperçu peut-être une croix sur les marchés de Terre Putain, je crois c'était, ou je sais plus si c'était à la Cour Argent, mais bref. Et sinon aussi toujours en guetté sur le gang des enfants assassins et trippers de SDF. Voilà. Moi je vais passer essentiellement, enfin pas mal de mon temps déjà à m'occuper de remettre sur pied Mokosh. Essayer de savoir un petit peu ce qui s'est passé, peut-être recueillir des informations sur ce qu'elle a ressenti pendant tout ça, parce que c'est quand même quelque chose d'incroyable ce qui s'est passé, hein. C'est hors de mes compétences. Après, à côté de ça, je vais essayer un peu de reprendre aussi la formation des nouveaux hospitaliers, des jeunes. Et pour finir, si jamais il y a des réunions secrètes un petit peu pour essayer de mettre en place notre petite révolution, des trucs comme ça, je serai disponible évidemment pour en parler. C'est essentiellement, je resterai dans le secteur, quoi. Je vais pas aller à droite à gauche, à part si à un moment donné Monsieur Hamza vient nous chercher, parce que bon, il y a toujours son poteau dehors, mais. Voilà, sinon je reste dans le secteur. Ok, très très bien. C'est qui son poteau? Tu veux dire Le pote d'Hamza, là, celui qui a sauvé Mokosh, mais... Ah, ok, bah oui, non, c'est pas ton poteau, du coup. Bah oui, mais c'était ironique. C'est... Ok. Vous êtes donc affairé durant ces deux dernières semaines. De ton côté, Flux, en te rendant au niveau de Saint-Chenil pour la première fois, redécouvrant cet endroit pittoresque, ces odeurs nauséabondes d'égout, ces malades entassés dans les rues, ainsi que la silhouette en ruine de Sacré Amiel, où s'amassent ces derniers les uns avec les autres. Tu as pu pénétrer dans ton nouvel atelier. Il a été déjà aménagé. D'ailleurs, il a un petit peu évolué depuis la dernière fois que tu l'as pu apercevoir. Depuis la dernière fois que tu as pu l'apercevoir. Tu disposes d'un petit peu d'équipement qui t'a été mis à disposition. Et tu découvres assez agréablement que tu as pas mal de place. Quel a été instinctivement le premier projet que tu souhaitais faire à l'intérieur de cet atelier? Que ce soit ce que tu souhaitais construire grâce à cet atelier ou ce que tu souhaitais apporter en plus à cet atelier? C'est une bonne question. Est-ce qu'on a toujours, parce que je me souviens de ça, mais je sais plus si c'est encore d'actualité. Normalement, on avait deux gosses ferrailleurs que Dobby nous avait prêté en main d'œuvre pour faire un peu des apprentis, tout ça. Mm-hmm, en effet. ils sont toujours d'actualité, ils traînent toujours dans le coin. Ouais, complètement. Ok. C'était pour savoir, essayer de réciter un peu tout. De souvenir, on a plus la machine pour. Ou on l'a gardée avec nous, la machine pour, de faux billets, on l'a laissée à Eisenhower, je sais plus. C'est une très bonne question. Je sais pas si je l'ai noté. Ah, je un peu les éléments. Le marché avec Eisenhower, c'est on lui a donné des explosifs en échange de quoi? Il nous réparait la machine? Il nous montrait la machine? Il nous faisait des plans? C'était quoi exactement? Je me demande si c'était pas réparé parce que justement. Il nous l'a réparé. Hein. Il nous l'a redonné quoi. Ouais. Mais. Je sais plus. Parce que moi, je sais que j'avais comme objectif d'essayer de l'étudier dans pour tous la comprendre. Les cas, et rappelle, Eisenhower est arrivé en ville. Il a quitté sa grotte. Oui, c'est vrai, ça, je me souviens. Et pour rappel, il s'était rendu en ville à la fin de la dernière campagne. De la dernière. Enfin, j'ai dit la dernière geste. de la dernière. Enfin, du dernier arc, voilà. Je suis toujours dans la continuité de ce dernier. Dans ce cas-là, dans tous les cas, honnêtement, on va pas se prendre la tête. C'est vrai que c'était il y a longtemps, IRL. Ouais. Il y a des petites infos comme ça, j'ai pas noté en détail toutes les interactions. Ouais, il y a tous les quatre à la machine. En fait, l'idée. Ok, l'idée, en fait, moi, c'est que. Du coup, en fait, je pense que les deux semaines, j'ai consacré plus ou moins à ça. Je vais essayer de. Essayer de faire ami-ami, aussi compliqué que ce soit, avec Eisenhower. Pour essayer, du coup, qu'on. Enfin, de réussir à essayer d'avoir de lui. De la compréhension, parce que de souvenir, quand j'avais essayé de l'ouvrir, c'était un mécanisme très complexe, vraiment où j'étais sur le point de tout casser au moindre mauvais mouvement, etc. Ce qui fait que j'avais pas pu vraiment l'analyser. Et du coup, moi, voilà, je vais vraiment passer à ça et vraiment mon atelier, pour l'instant, je vais un peu le consacrer à étudier la machine sans la casser, voir si je peux récupérer des petits. Des plans, des informations de sa part. Et en fait, mon but, c'est d'essayer de comprendre la machine. Parce que, encore une fois, nous, notre but, c'était rendre celle-là en marche pour piéger quelqu'un et tout, et donner ça à Hamza, dire que c'est fini. Et qu'on arrive à en avoir une pour nous après, pour. Parce qu'on est toujours, il me semble, créer une copie dans une grosse carrière d'argent. L'idée, ça serait ça. Mais du coup, là, je suis vraiment dans l'idée de comprendre la machine. Donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer de comprendre comment elle fonctionne, parler, c'est des soirées avec Eisenhower, essayer de l'alcooliser pour essayer de le faire parler un peu là-dessus. Après, je sais pas à quel point ça marche, parce que de souvenir, c'est quand même quelqu'un d'assez caractériel. Mais voilà, l'idée, c'est ça. C'est vraiment analyser la machine pour, à terme, du moins sur le long terme, réussir à avoir une copie à nous de la machine. Eh bien, je vais te proposer un test un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Plutôt que de te faire un simple test d'intellect engineering, tu vas m'en faire 3. On va compter le nombre de réussites, les déclencheurs qu'on double. Et tu auras terminé ta copie fonctionnelle de la machine lorsque tu auras atteint le total de 12 réussites. Ok, du coup c'est puisque c'est ta sur tête de Eisenhower, j'ai mis 12 réussites, ce qui n'est pas extrêmement élevé. Okay. Bon, voilà, t'as le mode d'emploi à côté, hein, et t'es chroniqueur. Et du coup, c'était du. Le G, c'est Intellect Engineering, c'est Ah ça? oui, c'est donc 3, 5D. 5. Ok, 5D6. Ça semble de souvenir de Genesis, c'est 4, 5 réussites et 6 déclencheurs, c'était ça? C'est ça, exactement. 3, 4, Ok. 5, 6, ce sont des réussites. Le 6 est également un Ok. déclencheur. 5D6. Hop là. Alors, le premier, j'ai 2 réussites et aucun déclencheur. Ok, on est à 2 sur 12. Le deuxième, ah, j'aime ce que je vois. J'ai une réussite, enfin, j'ai 3 réussites, dont 2 déclencheurs. Ok, 3 Donc ça réussites, fait donc dont 2, 2 2, ok, déclencheurs, ça fait 5. Donc 5. 5 plus 2, on est à 7 sur 12. Très bien. Et le dernier, bon, je pourrais pas finir, mais ouais, bon, j'ai 3 réussites. Ok, Hop tu là. sens que tu touches au but. Après plusieurs jours, mais également plusieurs nuits passées à taper de la ferraille, à décortiquer ton prototype, à le ramener de temps en temps à Eisenhower, même si ce dernier est très occupé et que c'est assez compliqué d'avoir des entrevues avec lui, tu arrives quand même parfois. Notamment grâce à Dobby, à l'avoir quelques minutes, lui montrer le projet sur lequel tu es en train de travailler, qu'il considérait d'ailleurs initialement comme impossible et comme une perte de temps. Pour lui, cet objet était trop complexe et vous n'aviez pas la matière première nécessaire pour en faire une copie. Malgré tout, encore une fois, alors que tu te réveilles ce matin-là, à moitié allongé sur ton bureau, entre les engrenages et tout le matériel, tu te dis que, il reste pas grand-chose pour que cette machine soit fonctionnelle. Pendant ce temps-là, Torik, toi, alors que Efflux fait des allers-retours entre Saint-Chenil et les ferraillis, d'ailleurs, je suis obligé d'ailleurs de poser la question, je reviens sur toi, Efflux, 2 secondes. Comment est-ce que tu les fais? Est-ce que tu les fais à pied ou est-ce que tu empruntes votre toute nouvelle tyrolienne? C'est vrai Juste ça. pour imaginer Flux faire de l'acrobranche. Alors, sachant qu'avec lui, ça a quand même une petite peur de l'eau, même si ça s'est visiblement calmé ces derniers temps, parce qu'il a été un peu forcé. La tyrolienne, elle a l'air quand même safe, tu vois. Genre, c'est pas juste, tu t'accroches à un truc, et il y a un truc quand même où tu te dis, ça va, c'est Honnêtement, elle impossible à est assez lever. rustique. Déjà, il n'y a qu'un seul câble qui fait que. Ça aurait été trop compliqué d'avoir deux câbles, un aller et un retour, donc il n'y a qu'un seul câble et on le lève, on le surélève grâce aux machines et aux installations de Dobby d'un côté et de l'autre sur demande. Ce qui fait qu'il y a des Ok. moments de la journée où vous ne pouvez pas l'emprunter parce qu'elle est surélevée de l'autre côté. Il y a tout un système de poulies et de tractage, Ah ouais. mais bon, qui est largement compensé par le gain qu'apporte cette J'ai dû dernière. l'emprunter quelques fois, mais j'avoue que quand je sens pas, je sens pas quoi. Il y a des jours où je non. Oui. Il y a du vent. Mais on a quand même l'image de Hyflux qui s'accroche et fait Ouais. de. En temps normal, c'est plus utilisé pour déplacer des ressources que des gens, mais vous avez un petit peu le privilège, quoi. Vous avez pu la tester, si jamais. Du coup, Torik, de ton côté, tu fais des allers-retours, toi, entre l'orphelinat et la sacristie rouge. L'orphelinat pour éduquer les enfants, s'assurer que tout se passe bien, et la sacristie pour t'occuper de Mokoche et t'assurer qu'elle se rétablisse bien. C'est ça. Elle avait l'air affamée, elle a perdu énormément de poids. Elle est très très faible, très très pâle. Tu saurais même, tu avais pu tenter différents diagnostics, mais tu sais à peu près ce qui s'est passé. Mais pour toi, c'est de la science-fiction. C'est inconcevable. Ses blessures se sont fermées. C'est presque comme si une nouvelle Mokoche était apparue. Un nouveau-né dans le corps directement d'une femme qui a quasiment entre 20 et 30 ans. Évidemment avec le mental d'avant, mais c'est voilà, c'est comme si le corps s'était régénéré, mais du coup régénéré, bah, du coup déjà à l'âge adulte, ce qui fait qu'elle n'a pas du tout eu l'apport nutritif, etc. nécessaire. Ouais. L'absence de soleil également se reflète sur son teint. Non, Donc malgré tout, tu préconises un rétablissement. Au début, tu l'as maintenue au lit, elle ne voulait pas trop se lever parce que se lever et dépenser des énergies supplémentaires voulait dire qu'il fallait qu'elle mange plus. Sauf qu'elle avait tellement peu mangé qu'elle ne pouvait pas se permettre de manger beaucoup au début, il a fallu reprendre progressivement. Presque faire de la rééducation en somme. Mokosh qui d'ailleurs va commencer avec. Alors je vous ai remis vos blessures à zéro, vos traumatismes à 0. Vos points d'ego, je les ai remontés à votre maximum moins 2. Parce que c'est quand même une période assez stressante, etc. Donc vous n'êtes pas au maximum. Les égos, maintenant, ils se régénèrent plus au maximum. Mais ils se relèvent, ils se régénèrent extrêmement haut malgré tout. Mokosh, elle, je lui ai laissé ses 5 traumatismes. Mais on va pouvoir te faire des tests de médecine pour tenter de réduire ses dégâts. Ouais. Donc si tu veux, tu vas pouvoir me tester, me faire 3 tests de médecine. Avec pour l'instant une difficulté égale à son seuil de traumatisme, dont le premier est égal à une difficulté de 5. D'accord. Alors, premier. Donc, je fais 3 réussites, dont un déclencheur. Ok. Malheureusement, ça ne passe pas. Je te laisse en faire un second. Tu sens qu'au début, t'as eu du mal. Je fais 5 réussites, donc dont un déclencheur. Ok, super. Eh bien, tu vas pouvoir faire un dernier cette fois-ci avec une difficulté de 4. Ok. Je fais 5 réussites, dont un déclencheur. Parfait. Tu as donc réussi à soigner en partie Mokosh. Ça se transmet en jeu par un soin égal à 3 traumatismes. Enfin. À 2 traumatismes sur 5. C'est pour ça que la difficulté dégraisse à chaque fois. Elle diminue en fonction des traumatismes. Ce qui est très très bien. Je vais lui enlever un point supplémentaire qui est considéré comme le point naturel de 2 semaines de soins. D'accord. Il fait qu'elle s'est honnêtement très bien remis. Je dirais pas que c'était optimal, on aurait pu faire mieux, mais c'est un très. Enfin, voilà, elle se réadapte très très facilement. Enfin, très très facilement, pardon. Relativement bien, elle est très après, forte. Après tout ce qu'elle a vécu. C'est quand même incroyable qu'elle en soit à ce niveau-là de récupération. Mmh. Genre, voilà. Mmh. Elle était techniquement morte, donc... c'est pas mal. Oui, c'est... On a connu pire. En parallèle de ça, on va donc passer sur Jacquard. Oui. Jacquard... De ton côté, donc tu as fait pas mal de choses. Tu as commencé par entraîner ta milice. Ouais. En effet, une nouvelle caste de juges, les juges du chenil, comme ils se font appeler, se développe au sein de Saint-Chenil, justement. Ils suivent les préceptes des juges, globalement. En tout cas, c'est ceux que tu auras décidé de transmettre. T'es un peu en train d'essayer de créer une espèce de contre-courant des juges. À toi maintenant de me dire ce que tu en fais. Est-ce que tu en fais des fanatiques... des fanatiques. Ils sont pas mal de la place pour là, mais je veux dire, est-ce que tu les fais baigner dans le même fanatisme que toi tu as baigné? Est-ce que tu en profites pour changer certains idéaux? Est-ce que, je sais pas, tu refaçonnes le culte à ton image? À toi de me dire ce que tu en fais. Clairement, on peut pas dire qu'on est sur une version orthodoxe ou, très... oui, effectivement, c'est un peu l'idéologie des juges, mais avec les contributions et certaines choses de Jacquard, voilà... peut-être qu'effectivement, un peu plus marqué vers le physique. C'est-à-dire que plutôt que des tatouages qui nécessiteraient de savoir tatouer, d'avoir des outils, un bon coup de marteau pour écraser une main, ça marche tout aussi bien. Mmh. Et le voleur ne peut plus l'utiliser. Donc voilà, on est plus sur des punitions... un peu plus sévère, un peu plus physique, certainement. Très bien. Parfait. Je vais te laisser m'effectuer 3 tests également. Et toi, ce sera des tests de compétences différentes. Les 2 premiers, ce seront des tests de charisme-expression. Donc tu as 4 dés. On est d'accord, je les additionne pas, hein, je fais 2 tests. Oui, c'est ça, tu fais 2 tests. Ok. C'est ça. Donc tu jettes 4 dés, tu fais ensuite 4 dés. Et la difficulté du test est de 3. Okay. Ok, bah sur le premier jet, j'ai fait deux réussites, dont un déclencheur. Mmh. Et sur le deuxième, j'ai fait deux réussites, dont deux déclencheurs. Ok, très bien, pas mal. Ça reste cool. Puisque du coup... Oui, alors pardon, autant pour moi aussi, tu as le droit à un dé supplémentaire sur le deuxième test. Parce que tu as fait un déclencheur sur le premier, j'aurais dû le préciser. Et bah c'est un nouveau déclencheur, donc ce qui fait 3 réussites dont 3 déclencheurs. Ok, parfait. Donc t'as échoué le premier. Enfin non. Ouais. On va dire le... Bref, dans tous les cas, c'était pas ça qui est important. L'important c'est que t'aies fait 3 réussites et 3 déclencheurs, ce qui est très très bien. Ok. Tu sens que ton entraînement fonctionne relativement bien, les gens boivent tes paroles. Alors au début ils ont eu un peu de mal, mais avec le temps ils se sont acclimatés. Le fait de revenir et de les discipliner notamment, le fait d'avoir pris le temps de les entraîner, fonctionne. Et d'ailleurs si tu veux je te laisserai choisir, créer des petits... rapidement, ça peut être pas forcément aujourd'hui, mais tu peux le faire là hors session si t'as l'inspiration, sinon on pourrait le faire hors session. Des idées de personnages qui pourraient accompagner du coup Jacquard, donc des personnages non joueurs. Globalement, je traduis ça par qui est-ce qui, dans une foule, globalement, imaginons une foule d'opprimés et de personnes mises de côté à Saint-Chenil, qui est-ce que tu vas naturellement élever, comme on va dire, peut-être sous chef par exemple, enfin ce genre de. J'ai pas encore ça en tête du coup. Parce que ce que j'ai en tête, c'est étant donné que la population de Saint-Chenil est illettrée, du coup, vu que le codex ne peut pas être, tu peux pas leur donner une copie du codex, il y a un peu partout des panneaux avec des pictogrammes où les punitions. Et les crimes et leurs punitions sont dessinés. Donc par exemple, quelqu'un qui met une main qui va dans une poche, et une main coupée à côté. Voilà. Et ce genre de choses. Ok, trop. Top, top, top. En parallèle de ça, je vais te demander un test d'instinct primal. Ok, donc 5 réussites dont un déclencheur. Ok, pas mal. Même plutôt très très bien. Ton enquête de ton côté parallèle s'est portée à merveille. Tu as pu retrouver les traces assez facilement du gang gouverné par Aristar, la jeune chef qui a quitté l'orphelinat après votre passage là-bas. Elle traîne au niveau du port sud. Et ces derniers temps, avec la mise en place de nouveaux de nouveaux plans de défense de la population que tu entraînes, ils se font un petit peu plus discrets. Alors d'un côté tu trouves ça positif, mais de l'autre tu ne peux t'empêcher de te dire qu'ils préparent probablement un mauvais coup. Tu as également obtenir l'information que les deux dernières cibles, donc Kira et Friedrich, avaient rendez-vous ce soir à Port-la-Gagne pour discuter à l'intérieur d'un petit restaurant où vous êtes déjà rendu d'ailleurs, puisqu'il s'agit de La Moule, donc dans les terres plus tard. C'est le numéro 24, on peut voir un drapeau pirate et des petites fourchettes à côté. C'est donc où tu pourras les y retrouver. Très bien. Maintenant, nous allons pouvoir passer à Mokosh. Mokosh, pour rappel, Torik, du coup, a décidé d'occuper ces deux semaines en s'occupant de toi, notamment, entre autres. Et ces soins et la rééducation qu'ils t'apportent t'ont permis de retrouver certaines de tes facultés. Tu restes en partie blessé, qui se traduit par 2 traumatismes sur 5 qui sont encore présents sur ta feuille de personnage. Mais tu t'es plutôt bien remis, tu peux de nouveau marcher, tu peux de nouveau manger correctement. Malgré tout, ton teint reste pâle, tes muscles ont fondu, il est clair. En détail, exactement, maintenant, voilà, tu avais dit que tu te reposais, tu te remettais, tu gérais tes hommes. Qu'est-ce que tu leur as dit de faire, exactement? Donc, tu en héberges une partie à l'orphelinat, le reste à la sacristie. Est-ce que tu leur demandes de bâtir des campements? Est-ce que tu leur as mis des tentes dans le jardin? Est-ce que tu leur as fait payer un impôt je ne sais quoi. Très amusant de leur payer un impôt. Mais mes troupes, ce sont à 100% des orgastiques ou il y a aussi des assets? Non, t'as des deux. Tu as des deux. Okay, t'as peut-être. Ouais, on a tout. Non, enfin, t'as à peu près 50-50, quelque chose comme ça. Ok. Bon, mais je pense que déjà, j'ai principalement demandé aux assets d'aller en fait terraformer tout ce qu'il y a autour de l'orphelinat. C'est-à-dire de transformer tout ce qu'il y a autour de l'orphelinat en des trucs où on pouvait cultiver. Ce que j'avais déjà essayé de commencer avec les enfants, si on s'en souvient. Bah, maintenant, il va y avoir des professionnels qui vont venir leur faire. Et de mettre les enfants toujours au travail. Hein. Maintenant, une armée d'enfants à la bâtisse, on va avoir bientôt. Et pour ce qui est des orgastiques, je pense que je leur ai demandé simplement de faire des patrouilles dans les alentours de la sacristie. Même pas des patrouilles où ils devaient faire quelque chose, mais juste pour montrer qu'il y a une force présente à la bâtisse soudainement. Histoire que la nouvelle fasse entendre un peu dans toutes les rues. Et que ça puisse nous servir plus tard, ne serait-ce qu'en termes de bluff ou d'étiquette. Ok, parfait. Eh bien, ces dernières semaines, on a pu apercevoir donc ces deux mouvements se former. Pour commencer, une armée d'assets au nord de Saint-Chenil qui s'occupe de toute la zone qui contourne du coup l'orphelinat. Une zone honnêtement complètement morte, hein. On parle là de pierres, de terres séchées. Mais malgré tout, les assets pourraient bien réussir à faire quelconque miracle. Je vais te demander, Mokosh, un petit test. On va globalement considérer qu'il s'agira d'un test pour guider tes troupes, donc je dirais charisme, leadership. Voir si t'as réussi une bonne organisation, est-ce que les gens t'écoutent, est-ce que tu leur donnes des ordres pertinents, est-ce que tu mets à leur place, est-ce que tu aurais... Voilà. Eh bien, c'est 4 réussites, dont 3 déclencheurs. Ok, très bien, parfait. Donc ça sera pour les assets. Les assets s'en sortent relativement bien. Ils se reprennent même vraiment très bien. La zone est complètement en train de changer. Ce qui semblait être une espèce de terre séchée, notamment par l'été, déserte et incultivable, se transforme et, comme tu dis, se métamorphose, se terraforme à vue d'œil. Ils ont tout cassé. Les premiers jours, ils ont pris des bâtons, des espèces de pelles, etc. Ils ont cassé la terre, ils ont tout retourné. Ils ont commencé à faire revenir de l'eau, faire descendre la population, notamment pour les aider jusqu'au port avec des seaux. Et par un secret que seuls les anabaptistes connaissent, sont en train de développer cette zone. Alors évidemment, on ne peut pas encore y manger, mais les choses sont en bonne voie. D'ailleurs, on ne parle pas forcément uniquement de nourriture, on parle aussi de médicaments, enfin de plantes médicinales, puisqu'en plus, l'orphelinat, il y a de nombreux hospitaliers qui s'y rendent, vous pouvez donc travailler unément, ils peuvent vous dire ce dont ils pourraient avoir besoin, etc. Là-dessus, c'est plutôt une bonne réussite. Maintenant, je vais te demander de me faire un autre test de charisme leadership, un deuxième. Cette fois-ci, ce sera pour gérer les troupes militaires. 2 réussites, dont un déclencheur. Ok, très bien. Tu auras un peu plus de mal à déterminer si les patrouilles anabaptistes ont un vrai impact dans la ville. En tout cas, c'est sûr, ça fait parler les gens. Le fait d'avoir des soldats ainsi qui se déplacent, surtout d'un culte qu'on ne voyait plus en ville, ça fait parler. Maintenant, est-ce que ça impressionne? Est-ce que ça joue plus que ça? Tu ne saurais pas. Est-ce que les gens s'inquiètent? Est-ce qu'ils vous prennent au sérieux concrètement? C'est difficile à dire. En tout cas, c'est sûr d'une chose, c'est que on peut pas. L'info n'est pas passée inaperçue. Et enfin, je vais te demander un dernier test. Cette fois-ci, Mokosh, ce sera un test de body stamina avec une difficulté de 2. Deux réussites. Ok, très bien. Eh bien, je t'enlève ton avant-dernier point de traumatisme. Ce qui fait que tu t'es honnêtement très bien remise. De toute façon, à la base, c'était là pour te soigner. Mais tu t'es bien remise des effets secondaires, de l'affaiblissement du corps. T'es quasiment, on va dire, comme neuve, hein, disons les mots. t'as quasiment retrouvé ton... total corps d'avant. Alors je parle sur le plan de santé, je parle pas sur le plan de musculation, etc. Il faut imaginer un corps qui bougerait pas pendant un mois. Bon, ça a des effets, évidemment, ça a un impact. Et qui ne se serait pas nourri non plus pendant un mois, évidemment, t'as complètement fondu. Ça prendra un peu plus de temps peut-être de te remettre sur pied. Mais ça finira par arriver. Là-dessus, on va pouvoir rentrer un peu plus dans les détails. L'automne vient d'arriver. Les journées commencent à raccourcir et à se rafraîchir. Pendant un moment, ces dernières semaines, vous avez même commencé à vraiment suffoquer tellement les étés devenaient chauds. Ça aura relativement gêné les ascètes qui tentaient de cultiver, mais pas seulement, vous avez pu apercevoir de nombreuses personnes boire l'eau du port. Tandis que d'autres, eux, ont encore un peu le luxe de pouvoir la filtrer. Toulon ressemble désormais à une espèce de bête animale qui serait peut-être tiraillée entre plusieurs éléments. Alors est-elle devenue complètement folle, puisque entre sa queue et sa tête semble se traverser, enfin se, ouais, se divulguer des informations différentes, notamment court argent qui domine la ville, et pourtant ne semble plus contrôler le quartier de Saint-Chenil. En même temps, c'est un quartier qu'elle n'a pas spécialement eu jamais l'intention d'en faire quoi que ce soit, qu'elle l'a toujours délaissé et qu'elle ne respecte pas. En tout cas, il est sûr d'une chose, c'est que les Néo-Libyens n'ont pas peur, mais peut-être sont aussi... trop en train de baisser leur garde. En tout cas, c'est la question que vous vous posez. Vous n'avez pas eu trop de problèmes pour l'instant quant à votre retour, mais vous savez que vous avez été à convoquer pour court argent demain, à la première heure, pour une entrevue avec Hamza. Honnêtement, lorsqu'on est venu vous convoquer, si à la limite, si on n'était pas en train de vous arrêter, et vous n'avez pas pu vous empêcher de remarquer que vous êtes constamment suivi par la milice de la ville. Pourquoi Hamza ne vous a-t-il pas convoqué immédiatement, en urgence? Vous ne le savez pas. En tout cas, on vous empêche strictement de quitter cette dernière. Théorique, tu n'auras malheureusement donc pas pu te rendre aux fameuses réunions secrètes dont tu parlais. Tu es toujours sous surveillance. Nous sommes en début d'après-midi. Des nuages noirs recouvrent le ciel. Une ombre gigantesque s'étend sur toute la ville, et les premières lumières s'allument au niveau de Cour Argent, des Terres Putain et de Port-Lagagne. Au loin, on entend résonner le fracas des machines, des ferrailles. On aperçoit les Toulonnais se déplacer, ces marins arborant de moins en moins leurs tatouages au fur et à mesure qu'ils ne se recouvrent de peau de bête. pour se protéger du vent. Le vent marin qui est très humide. Nous sommes actuellement au niveau des terres putains. Où se retrouvent actuellement deux personnes. On en avait parlé plus tôt. Friedrich Oppon et Kira Rail. Ils sont inquiets de ce qui est en train de se passer. Notamment de la présence de Jacquard et de la création de nouveaux juges en ville. Jacquard, comment est-ce que tu t'es mis en tête de les suivre? Est-ce que tu les suis toi-même? Est-ce que tu as payé quelqu'un, un de tes hommes notamment, pour les filer? Tu sais en tout cas qu'il s'agit de l'occasion rêvée de les récupérer et enfin de terminer ton œuvre. Pardon. Oui, du coup, bah, clairement, non, c'est comme à son habitude. De toute façon, Jacquard a pas assez formé. De toute façon, ces juges qui ne sont pour l'instant que des brutes épaisses qui punissent des criminels sur le prix et le mauvais. Ce ne sont pas des enquêteurs. Donc, toujours, c'est lui qui se drape dans des guenilles et des draps troués sales qui trouve par terre dans la rue. Et qui va se prendre du coup en mallant bien son bras métallique qui est un peu quand même reconnaissable et qui va prendre son déjeuner à la moule, c'est ça, non? C'est ça son nom? Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Et qui donc. Il essaye de se faire passer... Enfin, c'est lui qui se charge de tout, quoi. Et qui essaye de se... prendre son repas tranquillement, en observant qui est qui, et donc en essayant d'écouter si jamais il réussit à trouver qui est qui. Très bien. Je vais réintroduire également, en tout cas le temps de sa début de campagne, mais peut-être plus tard également, la règle des flashbacks. Puisque notamment, il y a une partie donc là de plusieurs jours qui n'a pas été jouée en jeu, puisque du coup, il y a une ellipse, tu peux parfaitement, si à un moment je dis quelque chose avec lequel sur lequel tu voudrais rebondir, prédire un petit peu ce que toi tu aurais pu faire par le passé à ce niveau-là. Notamment auprès de la moule, qui pour rappel est un restaurant qui abrite en secret les membres de la Nuée Noire, dont Flux avait tenté plusieurs fois de se rapprocher. J'irai pas jusqu'à dire que ce sont des alliés, parce que pour l'instant vous n'avez pas fait grand chose avec eux, mais en tout cas, vous avez échangé quelques fois. Notamment, pour rappel aussi, également avec l'un de leurs hommes, l'un de leurs assassins. Spectre, c'est ça. En tout cas, peut-être que s'ils servent pas dans l'enquête... Il peut y avoir certains des hommes de Jacquard qui sont pas à l'intérieur du restaurant, mais quand même en planque, en habit civil. Je me rappelle, il y avait un sous-sol. Oui. Vous étiez rendu la dernière fois, donc si tu veux, ils peuvent être cachés dans le sous-sol. Et simplement, vous avez... Qu'est-ce qu'il y a? Ça vous avait pas de soucis? Avec les propriétaires, enfin. Vous êtes en bonne entente avec Manon, donc qui est la dirigeante du restaurant, avec Spectre, puisque pour rappel, il avait été engagé pour tuer Lichen, qui se trouve actuellement terré à Sacré à Miel. Donc pour l'instant, c'est bon. Comment Manon réagirait à un meurtre dans son établissement? Alors en effet, à une justice rendue noblement et de façon légale. Le seul truc, en tout cas, le seul truc quoi qui pourrait se passer, c'est s'ils avaient écho de ce que vous aviez fait à Perpignan. En tout cas, ces dernières semaines, ça n'a pas semblé être le cas. Dans tous les cas, a priori, si la Nuée Noire avait entendu parler de ce que vous aviez fait, probablement qu'ils seraient déjà passés à l'action. S'il s'agit d'une énorme nuée. Il serait déjà fait œuvre de représage. Est-ce que ça arrivera un jour ou pas? Vous ne savez pas encore. Mais pour l'instant, profite de ce de cette trêve, on va dire. Mais donc, ça les gênerait pas plus que ça que quelqu'un se fasse tuer dans leur resto? Non, ça par contre, elle est contre. Elle ne veut pas partir de la nuit, mais elle veut pas qu'on attire l'attention sur son établissement. Simplement, elle t'a dit, juste avant que tu rentres à l'intérieur, alors qu'il s'apprête à arriver probablement dans les heures qui viennent, elle te dit... tu peux toujours les traîner dehors? Bah ouais, il n'y a qu'une seule entrée, une seule sortie, on est d'accord? Il y a une entrée par le haut, il y a une entrée par le bas, mais celle du bas, elle est réservée, c'est celle du sous-sol. Elle donne directement sur le port. Bah écoute, hein, dans ce cas-là, on va mettre les hommes des deux côtés des deux entrées, en planque, en civil, avec les armes cachées, puis dès qu'ils nous rentrent, dès qu'ils nous voient rentrer, bah voilà, ils les attendent à la sortie, équipés, et puis voilà. Très bien. Lorsque tu rentres à l'intérieur, ils rentrent à l'intérieur, tu te trouves donc globalement dos à eux, par exemple, avec tes haillons, la capuche sur la tête, en train de manger. Oui. Tu les entends se poser. Ils commandent un ragoût, avec du poisson et des moules, évidemment. Tu les vois pas, mais tu reconnais le son de leur voix. Il faut qu'on se tire. C'est la merde. Ils vont nous choper, c'est sûr. Et qu'est-ce qu'il dit qu'ils vont pas nous traquer hors de la ville et nous massacrer? Parce que tu crois que ça va les arrêter, qu'on se trouve entre nos murs? Toulon, actuellement, c'est une prison. Qu'est-ce que tu proposes? Je sais pas, on pourrait monter sur un bateau... dès demain. Ou alors, même prendre un bateau différent chacun. Et ce type n'entendra plus jamais parler de nous. Ou alors, on rampe jusqu'à sa couchette. On sort une lame. Et comme ça, on n'a pas besoin de regarder derrière nous toute notre vie. De peur que ce fou furieux débarque, nous massacre comme il a fait avec les autres. Est-ce que tu crois qu'ils enverront personne d'autre? Non, laissons-le nous chercher là où il aura aucune chance de nous trouver. Soit, si c'est ce que tu souhaites. Moi, je tente ma chance cette nuit. Si tu veux fuir, alors fuis. C'est quelle voix qui dit ça? La première, c'était celle de l'homme, donc celui qui veut fuir, et celle qui propose de te faire taire. Il s'agit de celle de Kira. On a à quel moment de la journée? On est durant l'après-midi. Ok. Bah, dans ce cas-là... Je vais me lever. Mmh. Et je vais m'asseoir à leur table. Avec mon assiette. Pff, tu poses ton assiette au niveau de leur table. Et tu te rapproches d'eux. Au moment où tes bras heurtent le bois de cette dernière, le sentiment d'interrogation qui premièrement s'était affiché sur leur visage est remplacé par une espèce de stupéfaction et de peur. Bonjour. À ce moment-là, directement, tu vois Kira saisir le couteau qui se trouve au niveau de... et le pointer dans ta direction. Donne-moi une bonne raison de pas trancher la carotide. On a un accent borkien, non? Arrête de jouer au con. Vous êtes de Borka? Je suis de Borka. Je reconnais votre accent. Où est-ce que vous venez? Pardon? Où est-ce que vous venez? Justicienne. Ah, justicienne. Ces juges. Je me suis toujours demandé pourquoi ces personnes-là s'engageaient là-dedans, quoi. Moi aussi, je viens de justicienne. Et pourquoi un juge veut-il être un juge ? Attrait. Est-ce que c'est une question de pouvoir, de statut, peut-être de vengeance, d'idéologie ? Bon, j'imagine que c'est un peu de tout ça, mais oui. Bref. Pardon ? De... Le fric ! D'accord. Quand tu veux gagner du fric à justicienne, t'as deux possibilités. Trafiquer des bourgeons ou devenir juge. Les juges se font rarement arrêter par les apocalyptiques. Et vice versa. Enfin, c'est mon avis. Mais et qu'est-ce qui peut pousser, en fait, à votre avis, un juge à ne plus être un juge, alors ? Le dégoût. Voir six types, donc évidemment, à ce moment-là, c'est Kira, évidemment, qui te répond. Voir ces salauds remplis de corruption. Croyez-moi, j'en ai vu des... J'en ai vu des horreurs. J'en ai vu des gamins, des pauvres gosses qui crevaient de faim, vendre un ou deux bourgeons pour nourrir leurs parents, et le reste de leur famille se faire tabasser dans les rues, cracher leurs boyaux ensanglantés sur les pavés, sur lesquels ces fiers juges font marcher leurs beaux destriers. C'est vrai que si on y réfléchit bien, des fois, ça ressemble pas trop à ce que leur soi-disant fondateur... a véritablement créé, enfin... Mais ce que je veux dire, ça... On sent qu'ils sont dépassés par ce concept. Par leur propre concept. Le premier juge n'est qu'une légende. Il n'a jamais existé. Mais il en a fallu forcément un premier. C'est pas possible. Peut-être que ce qu'on raconte sur lui est une légende. En tout cas, il a vraiment existé. Qu'est-ce que tu veux de nous ? À ce moment-là, je vais me tourner, donc pas vers Kira, mais du coup, son prénom, l'autre, c'est... un truc germanique, là, comment ça, c'est quoi son prénom ? Mm-hmm. Friedrich, non. Son prénom, c'est Friedrich, non, c'est pas ça ? Oui. Oui, oui, Friedrich Chopin. Dont les cheveux réapparaissent timidement. Je vois pas les stérases, le crâne. Et moi, ce que je me pose vraiment la question, c'est des juges qui arrêtent leur carrière dans un état. Des juges qui s'enfuient, des juges qui désertent. Voilà. Mais des juges qui s'enfuient pour redevenir à nouveau une figure d'autorité et d'ordre, j'ai du mal à comprendre. L'argent. C'est Friedrich qui répond ou c'est toujours... Ouais, c'est Friedrich, là. L'argent, la boucle est bouclée. Mais bon, j'ai jamais tenu à ces frères d'armes. Si jamais j'ai l'occasion de disparaître à nouveau, je m'en ferai d'autres dans une autre faction qui sera bien content de me retrouver. Bon. Le repas, c'est pour moi. Le dernier repas d'un condamné ? Ou le début d'une belle amitié ? Qu'est-ce que tu veux ? Comprendre. Qu'est-ce que vous avez fait exactement, au juste ? Vous aviez un... Vous trafiquiez du bourgeon, c'est ça ? Et vous êtes fait prendre et... Vous avez buté quelqu'un, vous avez fui, c'est ça ? C'est un peu plus compliqué que ça, mais... Ouais. Il y a de l'idée, d'ailleurs. Globalement, on a essayé de se tirer avec le gros lot, on a essayé de braquer qu'on n'aurait pas dû essayer de braquer. Ça marchait bien pendant un temps. On a même vécu la grande vie. Une vie que la grande majorité des gens que tu n'auras jamais croisés n'auront jamais vécu. Maintenant, certes, ça n'aura duré que quelques semaines, quelques mois. Avant que ça ne se transforme en une chasse humaine. Qui nous a poursuivis jusque même Toulon. Quand bien même la ville était l'opposé du protectorat. Oh, pour moi, vous savez, avec le recul, j'ai l'impression que Justicienne et Toulon, c'est exactement la même chose, vous voyez. Une belle bande d'hypocrites qui vivent dans une tour en haut perché, pendant que les types font leur sale boulot pour essayer de maintenir un semblant de cohésion. Ça m'étonne pas que vous ayez fini ici. À ce moment-là, Freditch finit son ragoût. Il le pose sur la table. Bon, eh bien, si on en a fini, il commence à se lever. Bah, je vais me lever aussi. Il s'arrête et il te fixe. Eh bien, on y va ou pas ? Tu vois Kira qui repose sa main et qui commence à serrer fort le couteau qu'elle a juste à côté. C'est comme vous voulez. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la patronne n'aime pas trop les effusions de sang. Ni les vrais patrons. À ce moment-là, d'un seul coup, tu vois Kira saisir la lame et la pointer et essayer de la planter jusque dans ta jambe. Jette-moi un dé pour voir. Et dis-moi ce que tu obtiens comme résultat. Une réussite. Ok. Heureusement pour toi, la lame se plante dans la mauvaise jambe. À ce moment-là, tu vois Friedrich partir d'un seul coup. Au niveau de la porte et s'enfuir. Qu'est-ce que tu fais ? Je hurle. Il s'échappe ! Je sais pas. Ok. La porte claque et tu vois limite cette dernière sortir de ses gonds, tandis que Kira lâche la lame qui reste plantée dans ta jambe robotique. Qu'est-ce que tu fais ? Je viens de lui assène un coup de poing. Ah oui, pardon, excuse-moi. Fais-moi un jet de body brawl, s'il te plaît. Est-ce que tu veux que je te donne ton nombre de dés ? Tu as 6 dés. Merci. Ouais, désolé, le temps de switch et de revenir sur la fiche. Okay. Je vais faire une défense active. 3 réussites, dont 2 déclencheurs. 4 réussites, dont 1 déclencheur. Tu la couches d'un seul coup avec une violente patate au niveau de la tête. Poum, son crâne s'explose dans le reste de son ragoût. L'assiette se renverse dans ses cheveux. Et elle tombe à moitié à la renverse de sa chaise. Tu viens de la dégommer. Elle a la tête qui tourne et tout. Elle commence. Tu la vois qui commence à bouger. Qu'est-ce que tu fais ? Ok, j'essaie de lui attraper un bras. Ok, tu l'attrapes par le bras. Et je lui fais une clé de bras, mais vraiment, je vais lui déboîter l'épaule. Ok. Tu vois que tu arrives à la maîtriser sans difficulté. C'est même pas genre que je veux la maîtriser. Je veux vraiment que son bras soit disloqué. Ok. Médicalement, je veux lui... Fais-moi un test de body force, tu as donc 6 dés. 2 réussites, dont 1 déclencheur. Ok. Tac, à un moment, tu sens un ligament ou un tendon claquer et tu vois le bras d'un seul coup se retourner. Elle lâche une espèce de cri suivi d'un juron. Va au diable, sac à merde. Ok, et bah du coup, là, le deuxième bras, la même chose. Ok. tu commences à l'attraper par le deuxième bras, tu vois qu'il y a 2-3 clients dans le truc qui commencent à se retourner, et tu vois la patronne qui commence à apparaître et qui te fait signe de sortir. Ok, bah je vais la traîner dehors. Tu la traînes jusqu'à dehors, ou au loin dans la rue, tu aperçois ce cher Friedrich en train de courir, de disparaître au niveau d'une ruelle, avant d'un seul coup, violent, être ressorti, s'éclater par terre, et à ce moment-là, tu vois la silhouette de l'un de tes juges sortir de l'ombre. Ok. Quelques secondes, instants plus tard, vous avez réuni les deux au niveau du centre de la rue. Qu'est-ce que tu fais ? Bah, du coup, on va chercher une pierre, un bout, un tronc, n'importe quoi, quelque chose de couché par terre. On va ramener les deux. Et ouais. Donc, petite prise de parole. Ok, vas-y. Friedrich Open et Kirarill, vous êtes accusés de meurtre d'un agent de la loi. Que répondez-vous à cet acte d'accusation ? Friedrich, lui, dit « Me butez pas, s'il vous plaît. J'ai des infos qui pourraient vous intéresser, pour sûr. Je pourrais vous être utile. » Parle. Non, je suis pas aussi bête que ça. En ce cas-là, si tu ne me donnes même pas une moindre idée de ce que tu sais, tu vas devoir répondre de tes actes. Que réponds-tu de cette accusation de meurtre ? Allez vous faire foutre. Kirarill, que répondez-vous vous-même de cet acte, de cette accusation ? Vous n'êtes qu'un lâche. Quel est votre nom ? Mon nom est Justice. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par le tribunal de Saint-Chenil, vous êtes jugé coupable de meurtre et trahison. Votre sentence est la mort. Un dernier mot. Tu vois qui raccraché. Friedrich. Enfoiré. Ainsi soit-il, que justice soit rendue. Tu soulèves le marteau du jugement dans l'air. Tu vois les gens autour qui se sont affairés en rond, qui sont arrêtés par les autres membres de ton culte. Et d'un seul coup, la masse se dirige violemment au niveau du sol et va croiser la silhouette de leur tête. Nous allons maintenant, pendant ce temps-là, retourner à Mokosh. Mokosh, tu te trouves à l'intérieur de la sacristie. Lilith se tient devant toi et est en train de te faire une espèce de rapport sur ce qui se passe. Nos patrouilles m'informent que les Jem et Tam semblent se faire petits depuis que nous avons envahi en force les villes de Port-Lagagne. Les rues de Port-Lagagne, pardon. De notre côté, les ascètes ont commencé à planter quelques graines. Ils espèrent obtenir des premières récoltes, leur première récolte au niveau du printemps. Certains sont allés chercher dans les marais, en tout cas demandent la permission d'aller chercher dans les marais de quoi récolter quelques racines ou autres qui nous permettraient potentiellement de tenir plus facilement cet hiver. Qu'est-ce que tu fais ? Il va falloir faire parler de nous, il va falloir faire agir nos troupes. Si on ne bouge pas, on finira par nous considérer comme une force tranquille et c'est pas une bonne chose. On s'en prend à certains d'entre eux. On fait un exemple. On les provoque jusqu'à ce qu'ils franchissent la ligne en premier. Où traîne les Jametan? Dans quel quartier? Seulement dans Port-la-Gagne? Port-la-Gagne. Globalement. Très bien. Mais faisons les reculer jusqu'à ce qu'ils paniquent assez pour aller se réfugier sous leur espèce de mer qu'ils ont dans leur quartier. Ça nous permettra de faire d'une pierre deux coups et on verra ce qu'il en ressort. Très bien. À ce moment-là, la porte de la sacristie s'ouvre. Et la silhouette de Dobby apparaît. Avec plusieurs de ses hommes derrière lui, qui eux semblent transporter des caisses. Alors, Mokosh, je vois que vous êtes remis sur pied. Pas encore tout à fait, mais oui. En tout cas, j'ai l'impression d'avoir face à moi ta sœur jumelle que t'aurais séquestrée dans ta cave. Enfin bon. J'ai quelque chose pour toi. Enfin, pour toi, pour vous, mais je vois que les autres ne sont pas là actuellement. Comme, en tout cas, prévu et comme promis, puisque notre collaboration s'étend et que le commerce est florissant ces derniers temps, voici une partie du butin acquis grâce à notre câble. Au prix au nez et à la barbe des néolibiens. À ce moment-là, les gars qui étaient avec lui, donc des ferrailleurs, déposent certaines des caisses et les traînent, enfin les, ouais, simplement voilà, les poussent jusqu'à toi. Ces dernières contiennent l'équivalent de 3500 dinars. Ce qui fait monter votre fortune personnelle à 4500, à 3500 dinars, pardon. Le reste que vous avez, c'est des lettres de jeu. Puisque vous avez perdu tous vos dinars, étant donné que 2 semaines se sont écoulées, pour entretenir vos différents vos différents achats, etc. Par contre, vous avez gagné des lettres de change, mais vous n'avez pas encore échangé. Ok. Je vais indiquer sûrement un des gars qui sont qui est pas loin de. Un de mes gars qui est sûrement pas loin d'aller ranger tout ça loin du hall principal. Et je vais me retourner vers Dobby et je vais lui dire. Merci beaucoup pour ton honnêteté dans le partage. Pas de soucis, mais. Ça fait... Mais je me demande quand les choses deviendront plus difficiles pour ton business, parce qu'elles vont le devenir pour le business de tout le monde. Comment ça, tu penses que les néolibiens vont envoyer leur limier Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ce qu'ils font, ce n'est pas important, c'est seulement la certitude que quelque chose va arriver. C'est possible. Je veux savoir si tu te contenteras de te cacher, si tu prendras parti, et pour qui tu décides de prendre parti. Eh bien, disons que certains hommes ont l'air, certains de mes gars, prêts à se battre Mais je mentirais en disant que je suis persuadé qu'il le ferait. Finalement, depuis que les choses commencent à s'améliorer, certains semblent s'accoutumer de ça. Se dire que finalement... le jour continue de se lever, que la nuit continue de le relayer, et que peut-être qu'ils pourraient mener une petite vie tranquille, qu'ils n'ont pas envie de risquer cette dernière. Et puis, qu'est-ce qui les garantit que les prochains dirigeants ne seraient pas pires que les actuels? Maintenant, si jamais nous voulons tenter en tout cas de faire comprendre et de nous faire entendre, peut-être que nous devrions directement nous entretenir avec notre chef. Vous pourriez rencontrer Nestor si vous le souhaitez. Il dirige les fers de l'acier. Je le souhaite. Très bien. Je lui proposerai. Tu sens qu'il a un ton sérieux qui tranche un petit peu avec sa personnalité haute en couleur habituelle, bien vivante. Comme si quelque chose le tracassait peut-être et qu'il l'assumait pas encore totalement. Je vais pas le titiller plus que ça et je vais le laisser retourner à sa vie. Ça fait plaisir de vous voir, Mokosh. Même si vous devriez penser à manger un peu plus de viande. Bon allez les gars, on a du pain sur la planche. Là-dessus, il se lève. Il se retourne, pardon, et se dirige en direction de la porte. Lilith, elle, à côté, commence à jouer avec les différentes pièces. Gentiment. Et puis elle se retourne vers toi, elle te dit... Ça va, tu l'as plutôt bien tenu tête malgré le fait qu'il ait insisté sur le fait que tu faisais peine à voir. D'ailleurs, en parlant de ça, je pense que... On est un peu à égalité maintenant, non? C'est qui gagne entre quelqu'un d'expérimenté en mauvaise forme face à quelqu'un d'inexpérimenté mais dans la fleur de la jeunesse? La personne qui a 400 soldats pour faire le combat à sa place. Tu vois qu'elle était déjà prête à dégainer une épée en bois, un espadon, quoi que ce soit. Puis finalement elle se ravise. Bon, est-ce qu'on fait quelque chose de particulier ou est-ce qu'on se contente d'attendre ce que les autres auront à nous dire? On peut attendre pour le moment. Très bien. Après tout, j'imagine que les choses bougeront vachement plus dès demain une fois que tout aura été mis au clair avec Hamza. Ça va beaucoup bouger demain. Ben, j'imagine que nous devrions profiter de cette dernière journée tranquille et calme. À ce moment-là, elle s'allonge. Elle s'allonge au niveau d'un coin de la sacristie, depuis lequel la lumière qui filtre à travers les vitraux vient réchauffer la pierre. Il y a quelques coins comme ça qui, du coup, sont devenus assez confortables. Alors certes, on n'a pas la chaleur qu'on avait lors de l'été. Le soleil était assez moche aujourd'hui. Mais malgré tout, la chaleur qu'on va emmagasiner cette pierre, donne une espèce d'illusion de confort et de beau temps qui peut à certains moments paraître assez agréable. À ce moment-là, nous allons passer du côté de Efflux. Efflux, qu'est-ce que t'as fait de cette journée? Pour rappel, tu t'étais à moitié réveillé, alors je sais pas quelle heure tu t'es réveillé, peut-être que tu viens juste de te réveiller. C'est un atelier. Tôt, et effectivement, moi tu m'as dit que quand je me suis réveillé, je le savais. Je suis vraiment à ça de rester à faire de la machine. Et là, vraiment, faut voir ça comme... C'est une obsession pour Efflux. Vraiment, c'est le truc qu'il veut régler. Surtout que plus vite il a fini, plus vite, en fait, on sécurise le fait d'avoir un double. Et plus vite, en fait, on peut finir enfin cette histoire avec Hamza. On piège l'autre comme c'était prévu, si c'est toujours d'actualité, si c'est toujours faisable. Et on peut passer à autre chose et nous commencer à pouvoir avoir un peu plus d'argent pour vivre. Du coup, vraiment, je suis en mode obsession. Donc, vraiment, je me lève. La première chose que je fais, c'est que je vais traverser, du coup... tout Saint-Chenil pour aller du coup au niveau de mon atelier et bosser là-dessus le temps qu'il faudra. Si c'est la journée, c'est sa journée. Si c'est moins de temps, pas tant mieux. Ok, très bien. Tu te rends au niveau de ta machine. Tu rentres à l'intérieur de ton atelier en passant du coup de derrière Sacré à Miel. C'est un coin un peu tranquille. Lorsque tu te retournes, tu peux apercevoir au loin les ferraillis. Les vagues qui s'abattent au niveau des berges. Quelques bateaux gigantesques qui passent. Le vôtre également au loin, au niveau de la sacristie rouge. Même si pour l'instant, il n'a pas servi à grand chose. Je le précise d'ailleurs, même si ça me paraissait plutôt évident, mais c'est vrai que c'est une info importante à préciser. Je considère que le bateau a été un peu transformé, puisque vous l'avez volé à la nuée noire à la base. Ça aurait été un peu débile de retourner en ville avec le bateau tel quel. Il suffit qu'il y ait un connard qui vienne à Toulon en disant nous a volé le bateau, il le voit garé à côté. Enfin, garé. Pardon, amarré. Désolé. Non, t'inquiète. Bref. Mais, oui, effectivement. Ouais. C'est un... Surtout, je ne sais pas s'ils ont des signes reconnaissables entre eux, la nuée noire. Mais... Non, parce que c'est des bateaux qu'ils ont eux-mêmes volés. C'est eux-mêmes, ils les avaient retrafiqués d'ailleurs. Hein, donc. De toute façon, là n'est pas le suivant. Mais ouais, effectivement, de toute façon, c'est mieux de le préciser tout à l'heure, je le précise maintenant. De toute façon, si jamais vous avez des questions sur ce genre d'éléments, n'hésitez pas. Tu entres donc au niveau de ton petit atelier. Quand tu rentres à l'intérieur de cet endroit, tu te sens relativement bien. Parce que c'est un endroit qui est rien qu'à toi et qui ressemble presque à s'y méprendre à une petite zone du serveur. Et ça te fait plaisir d'être dans cet endroit, de voir tous ces petits engrenages, tout ce matériel, etc. En plus, Dobby a pu te ravitailler. Tu vois, t'as vu en arrivant qu'il a laissé quelques caisses. Il a dû passer avec des gars à lui tout à l'heure. Ils t'ont déposé un peu de matos. Tu l'as même pas payé celui-là, mais tu sais qu'il aime bien vous faire quelques cadeaux de temps en temps. Ça avait pas trop l'air d'être le genre de la maison à la base, mais... En tout cas, il avait envie de vous faire plaisir. Et en tout cas, en plus, dans tous les cas, ça peut servir tes projets et vos intérêts communs également, évidemment. En fouillant dans ces dernières, tu trouves 2-3 trucs que tu penses pourraient t'aider à débloquer la machine. Malheureusement, c'est pas encore gagné non plus. T'es pas à l'abri que ce soit plus compliqué de prévu. Lorsque tu rentres, donc, tu la vois posée sur ton espèce de bureau en bordel. Tu vois la machine authentique à côté, à moitié démontée, minutieusement. Et... ton prototype qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus complexe. En fait, il y a plein de matériel que tu n'avais pas des fois. Il y a des petites pièces toutes simples imbriquées les unes dans les autres que tu as dû émuler de manière avec ce que tu avais. Et du coup, ça prend de la place. La machine n'a pas du tout l'esthétisme ni même la petite taille qu'a celle de Hamza. Enfin, ou des ferrailleurs en tout cas. La tienne est d'ailleurs difficilement transportable, c'est un petit peu son défaut. Mais, a priori, pour l'instant, t'as ce dont tu aurais besoin pour la faire fonctionner. Simplement, à côté, t'as un générateur qui marche au pétrole. Et il suffit de l'alimenter pour pouvoir ensuite faire fonctionner les quelques... la machine, tout simplement. Et puis le reste, c'est ce que t'as mis à l'intérieur. Il faut même dire que pour l'instant, t'es capable d'imprimer des choses avec. C'est juste que pour l'instant, ce que t'imprimes, ça marche... Mais c'est pas convaincant. Est-ce que, du coup, j'imagine que tu vas tenter d'aboutir à ce projet? Ok. Comme dit, enfin, pour le coup, je rajoute un peu ça, mais faut vraiment voir que c'est tellement devenu genre obsession de travail que genre, ouais, j'ai passé déjà 2 semaines dessus. Mais c'est au point où, genre, j'ai même un peu négligé toute la gestion de Saint-Chenis, de Sacré-Amiel, que j'avais tendance à faire, tu sais, pour aider bah, les personnes malades, etc. Okay. C'est vrai que là, vraiment, sur cette période-là, faut voir que c'était minimum vital, voire des jours, 2-3 jours complets, où je pouvais, genre, vraiment ne pas les aider et juste m'enfermer dans l'atelier à faire que ça. Du coup, okay. Effectivement, tant qu'il y a à travailler dessus, je vais travailler dessus. Dans tous les cas, ouais. Tu te plonges là-dedans. Et tu commences à faire fonctionner la dite machine. Enfin, à faire fonctionner, à la retaper. Mais je vais te demander, tout simplement, tu l'as sans douté, un autre test d'intellect engineering. Donc, globalement, cela fait 5 dés ajoutés. Tout à fait. Et ça fait, du coup, 3 réussites, dont un déclencheur. Très bien. Tu travailles dessus, encore, encore et encore. Tu vois pas le temps passer. Tu te perds totalement dans ce que t'es en train de faire. Tu trafiques le truc. D'un coup, comme je disais, le temps s'arrête autour de toi. Tout ce qui compte, c'est cette machine. T'as presque l'impression d'être en train d'éduquer un enfant. Il faut que tout soit parfait. Il faut que... Ça te demande beaucoup de rigueur. Tu dois revenir plusieurs fois sur les mêmes éléments, des choses que parfois tu pensais acquises, que tu pensais fonctionner visiblement. Ne l'était pas, est obligé de revenir dessus après coup. C'est compliqué. Mais à la fin de cette journée, tu arrives à tirer une lettre de change relativement convaincante. Au début, tu prêtes même pas plus tant attention que ça, t'en as plusieurs qui traînent sur le côté. Plein de tests mis en boule les uns côté des autres. Mais alors tu commences à l'apercevoir au soleil et tu vois que la transparence est parfaite. T'as réussi à retrouver le type de papier qu'ils utilisaient. Ça, c'est compliqué d'obtenir du papier à l'époque actuelle. Surtout pour imprimer des lettres de change. Mais t'as réussi à te démerder pour avoir ce qu'il fallait. Il y a encore quelques petits défauts qui font que quelqu'un comme toi comprendra qu'il s'agit de fausses lettres. Mais tout comme la machine d'origine n'est pas parfaite. Malgré tout, tu sais que ce premier calibrage qui t'a permis d'obtenir cette première lettre fonctionnerait sur quelqu'un de lambda. Tu te poses un peu, tu contemples cette machine. Et même si tu doutes que la partie n'est pas encore gagnée, t'as réussi le premier stade de son développement. Et d'ailleurs, pour ça, je vais te redonner un point d'écoute. Oh, trop bien. Sachant que si la journée c'est pas fini, j'aimerais... Du coup, moi, je me pose quand même une question sur la sécurité de l'atelier. Globalement, est-ce qu'il y a des accès qui pourraient se faire, etc. Parce qu'en plus, c'est un truc qui a été construit récemment, donc ça doit quand même pour attirer l'œil, même si j'ai confiance sécurité, aux gens. C'est que j'ai discret. Donc en effet, c'est pas grand chose. C'est que les gens savent pas qu'il est là. Ok, ouais, donc ça reste discret, ça reste. Mais c'est vrai que ça pourrait avoir le coup d'améliorer la sécurité de ce dernier. Ouais. Moi, j'imagine que t'as quand même une clé, une serrure, tu vois. Oui, il y a quand même le minimum pour sécuriser, mais c'est juste en fait vis-à-vis de. Revenons en vie, de toute façon il n'y a toujours qu'un seul chroniqueur dans cette ville, et si jamais je me remets à pouvoir refabriquer comme je veux, etc., ils vont se douter que quelque part, il y a un endroit où je fabrique, et je me dis que j'aimerais bien que si des gens mal intentionnés et plutôt puissants essayent de fouiller, qu'ils ne se retrouvent pas à juste pouvoir ouvrir, choper l'énorme imprimante de lettres de change et d'autres trucs que je pourrais être en train de construire. Donc... la première étape étant validée pour l'imprimante, là du coup je passe en double objectif, je vais continuer à bosser dessus. Moi vraiment j'ai ce truc où j'ai envie de faire mieux que l'original et de réussir à faire des trucs quasiment parfaits à terme, même si du coup avoir un truc qui marche est déjà bien. Et du coup ça serait de bosser du coup sur la sécurité de l'atelier, trouver des trucs, des rangements, des trucs comme ça qui fait que quelqu'un qui rentre ne pourrait pas forcément avoir accès à tout. Ok, super. Et là, tu commences à retaper du coup le reste de l'atelier. Tu commences donc, voilà, enfin à retaper. Plus dans ta tête, je veux dire, mais à questionner la sécurité du lieu, etc. Et tu commences également à planifier ce que tu voudrais faire de la machine. Tu sens qu'il va falloir encore un petit peu de temps avant que tout cela ne soit au point, mais que tu tiens là une bonne piste, un bon premier jet et un bon point de départ. Et là-dessus, nous allons pouvoir continuer avec Torik. Et terminer d'ailleurs avec cette espèce de petite reprise un peu, voilà, donc un petit peu. Si jamais. Oui, vas-y, dis-moi. Juste rapidement, avant la fin de la journée, un truc comme ça, j'aurais aimé voir juste aller au bureau d'échange, contre les lettres d'échange, juste voir si le billet pourrait passer en mode, voilà, je prends quelques lettres de change que j'ai en stock, je mets celui-là dans le lot, et je vois en fait, est-ce que ça peut poser problème, et je me préparant une excuse de base, je viens d'aller sur le marché, on m'a donné ça, enfin, bref, tu vois, tout un truc qui, moi, m'innocenterait. Un peu mieux réfléchi que ce que je viens de dire, mais voilà l'idée quoi. Mais juste voir est-ce que ça pourrait passer là comme ça déjà, pour voir si c'est pas le cas. Du coup, je veux vraiment analyser la réaction de si jamais c'est pas le cas, où est-ce que ça a bloqué. En effet, ça passe. Ok, donc là dans l'idée, ça pourrait déjà commencer, même si c'est pas encore idéal. Mmh. C'est déjà pas mal. Ok, bah, c'est tout, merci. Pas de soucis. Rick, de ton côté, où est-ce que tu te trouves aujourd'hui? Comme j'ai réussi à peu près remettre sur pied Mokosh et que elle de son côté aussi, elle a fait en sorte d'aller un peu mieux. J'en ai profité, étant donné que je suis surveillé en permanence, du coup, pour rester dans les parages, comme je vous le disais, et je vais m'occuper des gamins et leur faire la leçon, un peu le rattrapage, puisqu'on est parti pendant quand même un certain temps, même si certains ont pris un peu le relais, mais bon, voilà, je me remets un petit peu à les reprendre en charge, voir où ils en sont, faire un peu le bilan des connaissances qu'ils ont accumulées. Ok. Ouais. Le bilan est relativement positif, d'autant plus que les gamins, qui eux avaient du mal à trouver leur marque, finissent simplement à cultiver au niveau des champs avec les assets. Mmh. Et même si je ne dirais pas que ça contente tout le monde, ça fait déjà deux pôles d'éducation plutôt intéressants. L'agriculture, la médecine. Okay. D'autres d'ailleurs, eux, vont plus se développer dans le côté militaire au niveau de la sacristie rouge. Les hôpitaux ont pu fournir quelques... Enfin, les différents hôpitaux. Ont pu fournir quelques ressources médicales supplémentaires. Donc, on avait déjà parlé des livres, notamment de formation, qui permettent du travail un peu pratique et qui maintenant également, et ça c'est une grande victoire, tu l'apprends, a permis de soigner les premiers blessés. Des gens qui se blessent dans le champ, des fois ça, on fait pas attention, on se met un coup de pioche dans le pied ou dans celui du voisin, ou alors en levant sa pelle on frappe le type qui passait à côté. Et oui, c'est les premiers soins. Du nez cassé. Sur du pied tordu, enfin ce genre de choses. Donc des attelles sont faites, des blessures sont désinfectées, des bandages sont appliqués. On n'est pas sur des opérations à cœur ouvert, mais c'est plutôt bien. Ça commence à prendre une vraie tournure. C'est bien, c'est cool. Il va nous en falloir de toute façon maintenant du personnel, donc. C'est bien, je suis content. Ça... Je leur fais savoir en plus. Donc, Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu souhaiterais faire? En vrai, Là, Torik, il est un peu dans une phase où il est un peu dans l'attente de quelque chose. Bon, il y a le rendez-vous avec Hamza où, bah, en gros, ça va être vraiment déterminer la suite des événements. Il ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Enfin, du coup, personne ne sait à quoi on va s'attendre. Comme on est suivi, bon, il y a quand même une grande méfiance par rapport à ça. Mais bon, si vraiment ils avaient voulu. Si vraiment ça avait été pour nous arrêter définitivement, ils n'auraient pas attendu tout ce temps-là. Donc finalement, il y a quand même un peu. Alors, on ne sait pas trop sur quel pied danser avec Hamza. Du coup, ouais, franchement, la théorie qu'il n'a pas grand-chose à faire. Peut-être si de temps en temps retourner quand même à l'orage pour bah, quand même donner des signes de vie à mes camarades hospitaliers. Peut-être donner aussi un coup de main de temps en temps, tout en faisant le bilan des jeunes, sachant que bah, la relève arrive et que bah, finalement, peut-être que dans peu de temps, il pourrait peut-être avoir des apprentis, des élèves qui viendraient. S'exercer et donner un coup de main finalement à l'orage dans le cadre de leur formation, ce qui pourrait être grandement intéressant. Mais là, oui, franchement, je me lance pas dans des choses trop compliquées. C'est vraiment les soins, la formation et l'attente dans l'attente de ce qui va se passer avec Hamza, Tori, quoi. Il digère un petit peu ce qui s'est passé et voilà.